Bienvenue sur Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette 9e émission de Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement. Alors, quand on parle handicap visuel, je pense immédiatement à un siècle clé, le 19e siècle. C'est en effet durant ce siècle que tout a commencé à bouger. Valentin Haouy a créé la première école destinée aux non-voyants, aux personnes aveugles, sur Paris. Et à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et dans cette école, figurez-vous qu'on retrouve un certain Louis Braille, qui, adolescent, inventa le braille, comme son nom l'indique, et que des millions de personnes utilisent aujourd'hui, et surtout dans le monde entier. En parallèle, à Nancy, un certain Abbé Gridel a créé l'Institut des jeunes aveugles en 1852. Dans les années 1970, cette école ainsi que d'autres activités ont été regroupées au sein d'une fondation, la Fondation Nicolas Gridel. Aujourd'hui, il s'agit d'un pôle médico-social important qui regroupe bien évidemment cette école qu'on appelle l'école de Santifontaine. Ça regroupe également Claire Basse Vision, un organisme plutôt orienté vers les adultes déficients visuels. Mais ça parle également hébergement, travail adapté avec les ateliers Les Eaux Bleues à Liverdun, et puis il y a les services à domicile et l'handicap rare. Aujourd'hui, on va se contenter de parler de Claire Basse Vision. Se contenter, c'est déjà un gros morceau, Claire Basse Vision. C'est un établissement spécialisé pour la rééducation visuelle des adultes. Pour aborder ce sujet, j'ai à mes côtés deux invités. Élodie, qui est la directrice adjointe de Claire Basse Vision, et Angeline, une orthoptiste. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par vous, Élodie. Tout à fait. Bonjour, donc je suis Élodie Richard, je suis directrice adjointe du Centre pour déficients visuels, donc Santifontaine, dont vous venez de parler, l'établissement enfant, et je suis également responsable donc, de Claire Basse Vision, qui est un service de soins médicaux et de réadaptation. C'est le nouveau nom aujourd'hui des SSR, ceux qui connaissent. Angeline, à vous. Oui, bonjour, donc je m'appelle Angeline Vac, je suis orthoptiste basse vision au sein du service Claire Basse Vision qui a ouvert en 2009, donc j'ai participé à l'ouverture de ce service et j'en suis contente et toujours partante pour continuer. Eh bien c'est parfait tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet pour Claire Basse Vision, moi je voudrais qu'on revienne déjà sur une simple définition, la déficience visuelle, qu'est-ce que ça englobe puisque vous concernez que la déficience visuelle. Oui, tout à fait. On admet dans notre service donc des personnes présentant une basse vision. Alors, on considère qu'on est déficient visuel quand on a pris l'acuité visuelle de la personne, donc les lettres qu'on fait lire au fond de la salle chez l'ophtalmologiste, quand la personne n'atteint pas au-dessus d'une vision à 3 dixièmes. Donc, c'est important de signaler qu'on prend cette acuité visuelle avec les lunettes. Ça veut dire que malgré le port de leur correction optique, ils n'arrivent pas à avoir une acuité visuelle qui va au-delà des 3 dixièmes sur les deux yeux. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que la personne présente une déficience visuelle. D'accord. Ensuite, à partir d'un certain seuil, oui, on va arrêter de compter en dixième, on va passer en dessous du dixième et on va arriver, on va dire, à un demi-dixième, donc un vingtième. Et là, on va considérer que la personne est en situation de cécité légale. Ça ne veut pas dire qu'elle est en situation de cécité totale. Il y a une différence entre la cécité totale et la cécité dite légale. Mais en tout cas, elle est reconnue en situation de cécité légale quand on arrive à un demi-dixième. Alors, je crois qu'à la vision, il y a également le champ visuel. Et voilà, c'est tout à fait. On prend aussi en compte le champ visuel, puisqu'il y a des maladies qui vont venir rogner le champ visuel. Donc, c'est-à-dire, le champ visuel, c'est la quantité de vision qu'on voit en partant du point central de notre vision jusque sur les côtés de la vision. Donc, on fait ce test dans une grande coupole blanche où on doit appuyer sur un bouton quand on voit des lumières sur les côtés. C'est comme ça qu'on teste le champ visuel. Et quand un champ visuel est inférieur à 20 degrés, on va considérer que la personne présente une déficience visuelle. D'accord. Voire une cécité totale, pratiquement, la cécité légale. La cécité légale, c'est 10 degrés. C'est 10 degrés, d'accord, ok. Alors, maintenant qu'on sait quelle population est visée, Claire Basse Vision, c'est quoi, Elodie? Alors, Claire Basse Vision, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est un service de soins médicaux et de réadaptation. Donc, on va venir accueillir des adultes à partir d'une vingtaine d'années. On peut avoir des dérogations pour les 18-20 ans. On va venir accueillir ces adultes pour leur proposer un parcours complet de rééducation, réadaptation spécifique à la basse vision. Donc, ils vont arriver par une phase de bilan, donc une consultation médicale et des bilans pluridisciplinaires. Je pense qu'on en parlera ensuite. Et puis, ces bilans vont nous permettre d'établir un plan de réadaptation qui va durer plus ou moins longtemps selon les besoins. Ça peut être sur quelqu'un qui vient pour... C'est pas quelqu'un qui vient pour prendre en main une aide technique ou définir un matériel. On peut aller de 4 séances jusqu'à une année, voire plus. On a aujourd'hui des patients qu'on accompagne depuis plusieurs années. On ne parle pas que de matériel. Déjà, on parle déjà son bilan ophtalmologique. Mm-mm. Mais il ne vient pas avec un dossier déjà prédéfini? Il ne vient pas... Alors, l'accès au service, il se fait via une ordonnance. Je le compléterai plus tard parce que c'est pas tout à fait exact. Il y a la partie où on accueille des gens sur ordonnance et la partie où on les accueille sur un autre mode. Je vous en parlerai après. Le premier mode, donc, on accueille des gens sur ordonnance qui nous sont envoyés souvent par leur médecin ophtalmologiste ou par le CHU. Des patients qu'on connaît peuvent aussi être intégrés via une ordonnance du médecin traitant, mais il faut qu'on les ait déjà rencontrés. Une fois que cette ordonnance nous est envoyée, on vient questionner les gens sur là où ils en sont, ce qu'ils ont comme connaissance de leur handicap visuel et ce qu'ils attendent du Claire Basse Vision via un questionnaire qu'on leur envoie. Mmh. Ce questionnaire, nous, il va nous permettre de savoir d'avoir une idée du parcours qu'on va leur proposer quand ils arriveront chez nous. Alors, ce qui est important aussi à signaler pour notre service, c'est que entre le moment où vous déposez l'ordonnance et le moment où vous intégrez le service, malheureusement, il y a un délai d'attente qui est aujourd'hui assez important. Oui, parce qu'il y a trop de candidats. Il y a beaucoup de demandes pour une file active qui est pas assez importante. Nous sommes seuls sur la Lorraine à répondre à toutes les demandes. Je rappelle quand même que je parle pas de Claire Basse Vision déjà. Dans l'ensemble, la fondation, elle est quand même assez unique en France. Et Claire Basse Vision, c'est un établissement, il n'y en a pas beaucoup en France non plus, c'est ça, hein? Il y en a une quinzaine. Une quinzaine, hein, c'est ça. Une quinzaine. Et on est tous différents. Nous, on n'accompagne que les patients en situation de basse vision, mais il y a d'autres services comme le nôtre qui font déficience auditive, déficience visuelle, par exemple. Alors, qui sont basse vision, c'est ce qu'on avait dit, il y a basse vision et cécité légale. Donc, c'est des personnes qui sont en cécité que vous ne voyez pas. Alors si, nous on voit les deux, on voit basse vision et cécité légale. Mais il y a des établissements qui reçoivent et des personnes déficientes auditives et des personnes déficientes... Ah d'accord, ok, ouais. D'accord. Il y a des services qui font de l'hospitalisation complète. Nous, il est précisé qu'on accueille des patients sur le mode de l'hospitalisation de jour. C'est-à-dire qu'ils vont venir une à deux fois par semaine pendant un certain temps, pendant tout le temps de leur plan de réadaptation chez nous. D'accord. Le reste du temps, ils sont à la maison. Alors qu'on comprenne bien, vous dites les personnes viennent nous voir. Alors le parcours c'est lequel? Qui y viennent voir en priorité? Alors en premier, la porte d'entrée c'est l'ophtalmo. Voilà, d'accord, donc ils ont déjà vu un ophtalmo qui les renvoie à Claire Basse Vision, mais il y a quand même un ophtalmo qui les revoit à nouveau derrière. Oui, il faut que notre médecin puisse faire un état des lieux de la situation médicale du patient pour que derrière l'équipe pluridisciplinaire puisse travailler. Ouais, c'est donc un examen beaucoup plus pratique, parce que l'ophtalmo, lui, regarde l'œil, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas, etc. Alors que votre ophtalmo va peut-être un peu tourner vers le côté pratique, ça il ne pourra pas faire, ça il peut faire, non, c'est peut-être c'est ça. C'est beaucoup de discussions. C'est ça. Et c'est aussi l'opportunité pour les patients de poser les questions, parce que du coup, ils ont un ophtalmo qui leur accorde beaucoup de temps. Ça peut aller de une demi-heure à une heure. Oui, quand même. Oui. Donc, c'est vraiment l'occasion de poser toutes les questions qu'on n'a jamais pu poser et de remettre bien à plat les choses avant d'entamer la réadaptation. C'est important déjà d'avoir bien assimilé tout ce qui concerne sa pathologie. D'accord. Vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas nombreux, vous étiez 16, hein, c'est ça? Une quinzaine, oui. Ouais, j'avais lu qu'il y avait beaucoup plus de personnes, alors il y avait peut-être du personnel administratif en plus, mais ces 16, ça représente donc vous, orthoptiste, mais vous n'êtes pas la seule, hein, je crois, orthoptiste. On est trois au sein du service, oui. Il y a des ergothérapeutes, Également, deux ergothérapeutes, une troisième qui s'occupe de l'informatique adaptée. Oui. Et on a une assistante sociale, une psychologue. Une psychologue du travail. Oui. Du travail, deux instructeurs de locomotion et deux secrétaires. Mm-hmm. D'accord. Et puis après, l'aspect administratif qui vient en responsable. Voilà. Okay. Et on bénéficie de deux médecins ophtalmo au sein du service. Alors, ils ne sont pas là à temps plein, hein, c'est du temps partiel, mais qui nous permettent de faire les entrées. Et pour compléter, on a également la chance de pouvoir bénéficier d'un interne. Ce qui nous permet de pouvoir faire des entrées supplémentaires, mais également de pouvoir former et sensibiliser des jeunes professionnels ophtalmo à la basse vision. Donc, une fois qu'ils sont passés chez nous, ils changent tous les 6 mois. Une fois qu'ils sont passés chez nous, ils sont forcément sensibilisés et plus tard dans leur vie professionnelle, on espère qu'ils se souviendront de ce qu'on fait, de comment on travaille pour pouvoir nous orienter les patients à bon escient. Alors Elodie, vous m'aviez dit, je crois que vous allez recruter un nouvel ophtalmo, parce qu'il y avait une personne que j'ai connue il y a très très très longtemps, professeur Georges, c'est ça, qui était... Bon, maintenant, il est toujours là. Il est encore là? Oui, il est fidèle au poste. C'est dingue ça. Il n'est pas tout jeune, hein, mais en tout cas, il est très efficace, il est très... Et notre médecin coordonnateur, c'est le docteur Françoise Civit. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans l'aspect pratique. Je suis atteint d'une DMLA, j'ai bien compris que je n'allais pas le voir comme ça, de but en blanc. Le CHU m'envoie, ou mon ophtalmo m'envoie. Je ne suis pas très bien dans ma peau, je ne suis pas très bien dans ma tête, mais bon, je viens vous voir parce qu'on m'a dit de venir. Puis en plus, je ne suis pas spécialement convaincu qu'on peut faire quelque chose pour moi. Vous voyez, c'est quelqu'un encore qui n'a pas bien compris, quoi. Donc, vous, comment vous allez réagir face à ça? Mais déjà, il y a beaucoup de temps de discussion, donc d'où l'intérêt déjà de la première visite avec l'ophtalmologiste qui va déjà remettre les choses à plat, répondre aux questions, s'assurer que le patient a bien compris notre mission. Donc notre mission, c'est lui permettre de vivre avec sa maladie, de vivre avec cette pathologie, d'adapter au mieux les choses autour de lui, son environnement, son quotidien. Et on n'est pas dans une démarche de soins. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il faut que la personne ait bien compris ça. Ou de guérison. Voilà. Parce que souvent, les patients arrivent en se disant, oui, je vais être guéri. Voilà. Ouais, forcément. Voilà. Donc s'engager dans une réadaptation, c'est pas miraculeux, c'est un travail, en fait. Il va y avoir donc plusieurs séances de proposer en fonction des bilans qui sont faits auprès de la personne. Donc, la personne va rencontrer, dans le cadre d'une DMLA, le plus souvent, la personne va rencontrer l'orthoptiste et également l'ergothérapeute. On peut faire recours aussi à la psychologue pour toutes les questions d'acceptation. Et dans une moindre mesure, les instructeurs de locomotion interviennent dans la mesure où, dans la DMLA, le champ visuel périphérique est préservé. Et la plupart de nos patients... Ils n'ont pas trop de gros problèmes pour se déplacer. C'est ça. En fait, le problème essentiel, c'est l'acceptation de l'handicap. Et tant qu'ils n'ont pas accepté, ils ne pourront pas progresser. C'est ça. Parfois, on fait des reports d'accompagnement, je pense... Alors, on va commencer par l'orthopsie et puis, par exemple, tu m'arrêtes, hein, Angine, mais par exemple, l'orthopsie pourra être couplée éventuellement à la psy, mais on n'ira que sur ces champs-là en se disant que derrière, une fois que le travail avec la psychologue sera bien en route et que la personne sera dans une meilleure acceptation, on pourra poursuivre sur d'autres professionnels comme l'instruction en locomotion, l'ergothérapeute. D'accord. C'est vrai que s'il n'y a pas acceptation de la situation, on va revenir. Pardon. Je dis s'il n'y a pas acceptation, la rééducation, elle. Elle n'est pas possible. On en parlera après. On va revenir un peu sur le rôle de l'orthoptiste et du matériel qu'on peut proposer aux personnes avec un handicap visuel. On va faire une première coupure. C'est une chanson que j'ai écrite, hein, qui est issue de mon album Plein Soleil dans la Nuit, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. C'est un titre un peu autobiographique, puisque c'est justement un morceau qui parle de l'acceptation, comment moi, ça m'est tombé dessus, et comment j'ai essayé de rebondir. C'est différent, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas comme avant, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, tu te poses des questions. Évidemment, t'es pas fou. Mais bon, ça passera. Sans doute un coup de mou. C'est à cause de ces foutues lunettes, plus adaptées. Faut des filtres pour que tes yeux puissent reposer. Les lumières, trop faibles, faut les changer à nouveau. Demain, ça ira mieux, tu bosses de trop. Lève un peu le pied, c'est sûr que ça ira mieux, tu verras. Et tu te dis, c'est mon entourage qui ne comprend pas. C'est ça. T'as pas choisi, mais voilà, c'est comme ça. T'es fort, faut que tu l'acceptes, vas-y mon gars. Demain. Et le verdict tombe. Tu perds la vue. L'ophtalmo l'a confirmé officiellement. Bien, merde, tu te dis, je suis foutu. Comment tu vas faire maintenant? Fini ton boulot, tu ne sers plus à rien. Fini l'ordi, la lecture, la télé. Et même tes proches, tu les vois plus bien. Te déplacer, c'est la galère. La peur de te cogner. Tu restes dans ton coin, tu te morfonds. Je veux plus rien, je suis plus rien. Tu te sens con. À quoi bon, tu te renfermes, ton triste sort. Tu vois à peine s'il y a du soleil dehors. Alors, puis le déclic, tu ne sais pas trop ni quoi ni comment. Tu te fous un coup de pied au cul. Ce n'est pas fini. Bordel, faut que je fasse quelque chose. Et maintenant, alors tu cherches, tu t'intéresses, tu réfléchis. Qu'est-ce qui me passionne? Et où je suis fort? Tu cherches. Musique, ordi, technologie, IA, lecture, écriture et plus encore. Y'a de quoi faire, non? Ben oui, ce n'est pas encore fini. Tu l'as pas choisi, mais voilà, c'est comme ça. Tu as bossé pour t'adapter. Et avec de la volonté, tu y es arrivé. Depuis, tu as décidé de partager. Car avec ton expérience, tu peux aider les handicapés. T'l'as pas choisi, mais voilà, c'est comme ça. T'es fort, faut que tu l'acceptes. Vas-y, mon gars. C'est déjà demain. Avec ton expérience, tu peux partager et aider les autres handicapés. L'a pas choisi, mais voilà, c'est comme ça. T'es fort, faut que tu l'acceptes, vas-y mon gars. C'est dur mais tu n'es pas seul, comprends le bien. T'es autant utile qu'avant, car aujourd'hui c'est déjà demain. Bien, sans transition, on va passer à votre métier, Angeline, orthoptiste. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est ce métier ? Déjà, c'est un nom que j'ai eu du mal à retenir au début. Bon, maintenant ça va, orthoptiste, je me suis entraîné avant de venir. Voilà, je vous écoute. Alors, les orthoptistes, les gens connaissent plutôt les orthophonistes. Donc, on est au même niveau que les orthophonistes, mais nous, on est sur vraiment le sens de la vue. Il y a certaines orthoptistes qui travaillent à l'hôpital ou dans des cabinets d'ophtalmologistes qui aident à la consultation, réalisent des examens complémentaires. Il y a certaines orthoptistes qui ont leur cabinet. Et il y a certaines orthoptistes comme moi, on est un peu plus rares, qui travaillons dans les centres pour personnes déficientes visuelles. Donc on fait ce qu'on appelle de l'orthoptie basse vision. Moi, j'avais en tête que l'orthoptie, c'était la gymnastique de l'œil. Un œil qui est fatigué, il faut le bouger, il faut le stimuler, etc. Donc pour moi, c'est ça l'orthoptie. Oui, c'est vrai en partie, parce que la base, c'est que nos yeux sont mobiles. Et c'est grâce à la mobilité de ces yeux qu'on va pouvoir compenser une certaine partie du handicap visuel. Parce qu'il est vrai que si un œil est feignant, le cerveau, lui, il va toujours choisir la facilité, c'est-à-dire il va tout focaliser sur l'œil qui fonctionne bien. Ça, c'est vrai, oui. Hein, c'est ça, hein, ouais. Et donc, vous parlez, travailler avec la basse vision. Cette fois, c'est plus le même boulot, parce que la gymnastique, c'est pas la même. Quoique, quand on a une démêla, on voit, j'allais dire, que sur les côtés, ce que je n'avais plus moi, et c'est la vision centrale qui ne fonctionne plus. Donc, exactement. Comment vous travaillez ça? Donc déjà, il y a toute une partie explication. Il faut que la personne ait déjà bien compris ça et se soit approprié sa propre vision. Ça fait partie de la réadaptation. Une fois que la personne a compris qu'en mobilisant son regard, on peut obtenir des informations fixes, retrouvables, on peut travailler sur un travail de ce qu'on appelle la fixation. Hein, parce que souvent, les personnes qui ont une DMLA, ils vont dire... Les choses bougent, il y a des choses qui disparaissent. J'ai vu quelque chose et puis c'est fugace et je ne le retrouve plus. Mmh. Et ça, en fait, ça dépend de la position du regard. Donc, on fait tout un travail de recherche de position du regard et on entraîne une nouvelle fixation, puisque la fixation ne peut plus se faire avec la vision centrale. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un travail de réadaptation dans lequel la personne doit s'engager. C'est-à-dire qu'on fait généralement une séance par semaine, mais entre les séances, il faut que la personne s'investisse. Travaille. Voilà. Essaye de réappliquer ce qu'on a fait en séance dans son quotidien. On donne parfois des devoirs aussi. Hein. D'accord. Voilà. Mais ça fait partie vraiment de la réadaptation et c'est vraiment un investissement personnel. C'est-à-dire que nous, on va être des guides pour la personne. Mais le travail, ce n'est pas l'orthoptiste qui va le faire. C'est la personne qui va le faire. Forcément, c'est toujours pareil. Hein. On pense que tout peut tomber tout cuit, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, on parlait de DMLA, mais il n'y a pas que ça. Elodie, la patientèle de Claire Basse Vision, vous suivez combien de personnes par an ? Alors, on est à 200-250 quand même. Patients par an. Des patients entre 20 et 80, on a des patients entre 90 et 100 ans, ça a pu nous arriver. Bah ouais. Voilà, donc de tout âge et au niveau des pathologies, donc effectivement des MLA, c'est vrai que la DMLA, ça a été le public qu'on a accueilli en premier et on avait beaucoup. Et puis au fur et à mesure, la connaissance du service, les ophtalmos nous ont envoyé d'autres personnes. Ouais. On peut avoir, je donne des exemples, mais des pathologies liées au diabète, par exemple. La rétinopathie diabétique. Voilà, tout à fait. On peut avoir des personnes qui viennent nous voir après un choc. Ou une intervention chirurgicale. Ouais. Au cours de laquelle elles ont perdu la vue ou elles ont subi une baisse d'acuité. Ouais. On a des personnes qui ont des glaucomes. Ouais. Maladie... silencieuse, comme on l'appelle, maladie sournoise. Mm-hmm. Voilà. Des complications de myopie forte également, mm-hmm. avec des décollements de rétine par exemple. Mm-hmm. Et puis on a la partie, là on parle de la partie plus pathologie et réadaptation, mais on a aussi la partie accompagnement dans l'emploi, puisque le Claire Basse Vision a le marché AGFIP sur la Lorraine, c'est-à-dire que les professionnels du Claire peuvent évaluer des personnes qui nous sont envoyées par des pôles emploi, enfin France Travail maintenant, Cap Emploi ou les missions locales qui sont en situation de basse vision et pour qui il y aurait besoin de billes pour adapter le poste de travail. Le FIPH et FP le fait aussi, ça me semble. Hein, c'est ça, hein, ils font appel à nous. Ouais, voilà. C'est ça. Alors revenons-en à l'orthoptie. Donc là, il y a le travail que l'on va faire chez soi. Et puis il y a la personne qui se dit, oui, mais déjà qui espère toujours voir mieux, en tout cas, peut-être pas revoir tout, mais revoir mieux. Et c'est vrai que depuis, allez, on va dire 10 ans, c'est incroyable l'évolution de la technologie. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent les aider. Qu'est-ce que vous proposez, Angéline? Alors, l'équipement va venir dans un second temps, une fois le temps de réadaptation déjà bien entamé. Mmh. Donc, moi, je vais travailler aussi avec les ergothérapeutes. Moi, je vais m'occuper plutôt de tout ce qui est visuel, et l'ergothérapeute va venir compléter avec tout ce qui est... Là, je vous coupe, parce que donc la personne vient vous voir, j'ai une DMLA, je veux ma loupe, je veux essayer une loupe, Vous vous dites, attends, ça marche pas comme ça. C'est ça. D'accord. Je leur dis, on va d'abord passer... Mais d'abord, si on donne une loupe tout de suite et que la personne ne sait pas où placer son regard, on va vers l'échec. Il faut d'abord que la personne maîtrise sa fixation pour pouvoir savoir comment viser dans sa loupe, en fait, tout simplement. Hein, parce que la loupe, elle va juste grossir, mais elle ne va pas changer le fait qu'on ne voit pas au centre. Alors, je suppose qu'il y a des gens, justement, qui viennent avec leur matériel qu'ils ont déjà. Il y a déjà, oui, tout à fait. Je suis emmerdé, je ne sais pas l'utiliser. C'est un peu comme ça, non? Ça arrive aussi, oui. Ouais. Ah, je vais en profiter pour faire mon petit coup de gueule. Ça m'arrive de temps en temps parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, il y a des personnes malvoyantes que je côtoie dans mon association qui me disent, tiens, José, je vais acheter un tel agrandisseur. Tu vas acheter ça, mais pourquoi c'est ce qu'on m'a proposé. Mais pas Claire Basse Vision, ce sont... Allez, je vais dire des commerçants, parce que pour moi, une association qui ne fait que vendre, je considère ça comme un commerçant, et pour moi, c'est pas honnête, parce qu'on ne vend pas du matériel tant que la personne n'a pas pu le tester et savoir s'il était adapté à son handicap. Je ferme la parenthèse, parce que pour moi, c'était important de le dire. Angéline, on reprend par rapport à votre travail. C'est un des rôles de notre service, c'est de pouvoir mettre à disposition du matériel pour les patients, qu'ils puissent s'en servir, alors au centre, et quand c'est possible, en prêt à domicile. Alors ça dépend de la lourdeur, on va dire, de l'appareil, l'encombrement de l'appareil, mais les petits appareils, on les prête, et la personne, on les incite à essayer chez eux avec leurs documents, avec ce qu'ils ont envie de regarder avec cet appareil, vraiment, ou d'écouter, pour qu'ils puissent se rendre compte si l'appareil est en adéquation avec leurs besoins. Oui, mais je savais, j'avais reçu une précédente émission, un opticien spécialiste en basse vision, et qui me précisait également que lui prêtait le matériel aussi. Oui, tout à fait. Il y a certains opticiens qui se sont spécialisés, qui prêtent. Il n'y a pas... Beaucoup d'opticiens spécialisés. Il y en a 4 ou 5 sur Nancy. Oui. Un maximum. Après, nous, on n'est pas parti pris. On n'a pas de... Notre rôle n'est pas de vendre. Je comprends bien. Effectivement, on va aller chercher le matériel le mieux adapté à la personne qui est en face de nous. Voilà. Mais le matériel, vous l'achetez vous-même? Ou c'est les constructeurs qui vous les prêtent et qui... C'est l'un et l'autre. On peut avoir du matériel qu'on achète parce qu'on en aura besoin au long cours. Et puis, sur des nouvelles sorties... des téléagrandisseurs où on n'est pas sûr que ce soit des choses qu'on puisse préconiser régulièrement, on se les fait prêter par l'un ou l'autre fournisseur. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus adapté, personnellement, parce que là, vous parlez de matériel, mais un ordinateur est un matériel, un ordinateur, c'est un téléagrandisseur aussi, en puissance. On peut, si vous mettez dans l'ordinateur, parce que tout document peut être scanné, un courrier, peut le scanner et pouvez l'envoyer sur l'ordinateur qui va le grossir. Oui, tout à fait. Va même le lire, qui va tout faire, quoi. Tout à fait. Donc là, on s'adresse du coup à des patients qui maîtrisent déjà l'informatique. Voilà, on touche du doigt là où ça pêche un peu, quoi. Oui. Ça, c'est plus compliqué que d'apprendre à se servir d'une loupe électronique, par exemple. Alors, savoir numériser le document, le retrouver, savoir où on a rangé le document dans l'ordinateur, c'est toute une gymnastique. Alors c'est vrai que l'âge peut-être fait beaucoup aussi, quoique maintenant, moi j'ai 67 ans, donc je ne me considère pas comme le plus jeune de vos patients, et moi l'ordinateur, ça va. Je crois qu'à un certain moment, il faut aussi parler de travail tout à l'heure. Je pense que les gens doivent passer par là aussi. Vous avez quelqu'un qui peut un peu les sensibiliser à l'informatique, au téléphone, au smartphone, qui sont formidables aujourd'hui. Alors, on a une professionnelle qui est spécialement dédiée à ça. Elle a un temps partiel. On aimerait qu'elle ait un petit peu plus, mais on fait avec son temps. Elle est, elle, ergothérapeute, mais conseillère technique en informatique adaptée. Donc, elle va faire des bilans informatiques aux patients que nous recevons pour pouvoir préconiser la meilleure solution informatique pour le patient. Après, je mettrai un petit bémol sur l'accès à l'informatique. Il y a des personnes plus âgés qui vont, comme vous, être très performantes sur le sujet. Il y en a d'autres qui le seront moins, mais il y a des personnes jeunes, plus jeunes, qui ne s'y font pas et qui sont un petit peu réfractaires à l'informatique. Donc c'est vrai qu'il faut du matériel, tout un panel de matériel pour pouvoir s'adapter à toutes les typologies de personnes, quoi. Je comprends. Alors sachant que les ordinateurs, téléphones, enfin tous les appareils ont vachement évolué, ils sont quand même devenus d'une sacrée simplicité. De plus en plus. Mais ça fait encore peur. Hein. Ben, je vais prendre par exemple le téléphone, le Smart Vision 3, qui est vraiment spécialisé pour les non-voyants. Bon, personnellement, je ne le trouve pas d'une grande performance. Il n'est pas trop puissant, mais en tout cas, il est hyper adapté pour les non-voyants. Ben, il faut quand même malgré tout maîtriser un écran tactile, il faut maîtriser les menus, il faut... Donc oui. Les gens, il faut qu'ils s'y fassent quand même, quoi, à un certain moment. Quand on a un handicap, je pense qu'il faut... Il faut qu'on aille au-delà de ce qu'on croit savoir pouvoir faire. Ah oui. Après, sur les smartphones, c'est vu ça en séance d'ergothérapie. Donc déjà, les ergothérapeutes vont partir de l'outil de la personne. Mmh. Parfois, ce n'est pas forcément un téléphone dédié au handicap. Et ça va suffire une fois que la personne a appris à s'en servir de façon adéquate. Et parce qu'elle a les bons logiciels, les bonnes applications. Avec les bonnes applications et... La vocalisation. Je pense qu'il est nécessaire, il sera nécessaire de faire une autre émission, cette fois de manière plus technique, sur tout ce matériel, avec orthoptiste, ergothérapeute, etc. Ça, c'est une autre émission. Parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, vous imaginez. Donc, la coupure arrive, ça sera une coupure, un clip audio qui va... vraiment parler de la profession d'orthoptiste et qui va élargir un peu par rapport à ce que vous faites, vous, spécialiste en basse vision. On va lancer le clip. Face à une perte importante de la vue, le premier réflexe, c'est très souvent de courir acheter la loupe la plus puissante possible. Bah oui, ça paraît tellement logique en fait. C'est clair. Pourtant, en se plongeant dans nos sourds du jour, on découvre que c'est probablement l'une des pires erreurs à faire au tout début. Complètement. Acheter un outil avant même de rééduquer le cerveau, ça mène généralement à avoir un tiroir rempli de gadgets inutiles. Et frustrant pour le coup. Ouais, et c'est exactement ce qui motive notre analyse d'aujourd'hui. En fait, je prépare le terrain pour la 9e édition de l'émission de radio que j'anime « Il y a des choses à dire » qui est consacrée au handicap visuel, mais vu autrement. C'est un super projet. Donc le but aujourd'hui, c'est de décortiquer ces brochures médicales et ces textes historiques pour présenter une structure bien précise, c'est ça ? Voilà. Le CLR Basse Vision, à Nancy. L'idée, c'est d'expliquer comment il fonctionne pour rassurer les familles qui découvrent un peu ces solutions de prise en charge. Et pour bien comprendre la mécanique de ce centre, il faut d'abord regarder ses racines. Le CLR a ouvert ses portes en 2009, mais il s'appuie sur un héritage institutionnel massif. Ah oui, l'abbé Gridel. Exactement. Ça remonte au 19e siècle avec la fondation de l'Institution des jeunes aveugles et déficients visuels initié par l'abbé Gridel sur le domaine de Santifontaine. À l'époque, il a vraiment posé les bases de l'éducation spécialisée, alors que la déficience visuelle rimait presque toujours avec exclusion totale. C'est ça. Et cet héritage, il se traduit aujourd'hui par un poids institutionnel crucial. Le CLR, c'est pas juste un petit cabinet, c'est une structure sanitaire conventionnée par le CHU de Nancy. Il traite environ 180 patients, adultes par an, il me semble. Ouais, tout à fait. Avec des soins qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Ce qui permet de financer un écosystème de soins complet et pas une clinique expérimentale hors de prix. Moi, tout ça, ça me fait penser à un arbre centenaire. Les racines reposent sur l'engagement pionnier du 19e siècle, mais les fruits qu'on a aujourd'hui, ben, ce sont des soins médicaux de pointe. Et ultra accessibles. Ce financement, c'est d'ailleurs ce qui rend possible leur accompagnement au quotidien. Dès que la situation médicale de l'œil est stabilisée, le vrai travail commence. Parce que les sources insistent bien sur un point. Perdre la vue, ça fracture absolument tous les repères d'une vie. C'est pour ça que le patient n'est jamais traité uniquement comme, on va dire, un œil malade. Il est pris en charge par un cocon pluridisciplinaire. C'est hyper rassurant, ça. Pour les familles, il n'est jamais seul, quoi. Voilà. L'ophtalmologiste sécurise le côté médical. Ensuite, comme le choc émotionnel est immense, un psychologue intervient pour soutenir le patient et ses proches. Nos documents parlent aussi d'une instructrice en locomotion. Oui, parce que les frontières physiques se réduisent. Elle réapprend au cerveau à naviguer en sécurité sur un trottoir, par exemple. Et il y a aussi la rééducatrice en autonomie, pour la vie de tous les jours. Retrouver les gestes concrets comme couper des légumes sans se blesser ou se verser un verre d'eau. Exactement. Et au centre absolu de cette reconstruction, il y a un rôle pivot, l'orthoptiste. C'est le professionnel qui évalue la vision fonctionnelle, c'est ça ? Le sien. Prenons le cas d'une dégénérescence maculaire. En gros, le centre de la vision a disparu. L'orthoptiste va aider le patient à trouver une nouvelle zone de fixation périphérique. Donc si on imagine le système visuel comme un réseau routier, c'est comme si l'autoroute principale était définitivement bloquée. Très bonne image. Et du coup, l'orthoptiste force le cerveau à construire de nouvelles connexions. Il dévie la circulation vers des petites routes secondaires. Jusqu'à ce que ces routes deviennent la nouvelle norme pour voir. Exactement. Mais là, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi s'infliger des semaines de rééducation fatigantes ? On pourrait pas juste aller en magasin, acheter une loupe éclairante très puissante et forcer un peu ? Ben non, justement. Les sources sont très claires là-dessus. Une aide optique ne fera qu'agrandir une tâche floue si le cerveau ne sait plus où regarder. Ah, c'est pour ça le fameux tiroir rempli de loupes abandonnées ? Tout à fait. Un essai rapide de 5 minutes sous les néons d'un magasin, ça n'a rien à voir avec la réalité d'un salon mal éclairé ou la fatigue visuelle à la maison. D'accord. Donc, la rééducation visuelle, c'est vraiment une étape obligatoire avant de choisir ses aides optiques. C'est la clé. L'orthoptiste s'assure que le patient utilise son reste visuel de façon optimale. Ensuite seulement, l'équipe prescrit des aides adaptées comme des téléagrandisseurs. Ça évite les achats inutiles et surtout un découragement terrible. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de transformer un patient passif en quelqu'un de nouveau autonome. Eh bien, cette analyse change vraiment la donne. Ça montre que le handicap visuel, c'est pas une fatalité ou un point final, mais une transition de vie qu'on peut franchir avec succès. C'est un message de grand espoir. Carrément. Ce qui soulève une réflexion fascinante pour terminer. Je vous écoute. Si l'abbé Gridel a révolutionné l'approche au 19e siècle et qu'aujourd'hui l'orthoptie optimise le moindre reste visuel par la rééducation cérébrale, jusqu'où on pourra aller demain ? Avec les nouvelles technologies, vous voulez dire ? Oui. Imaginez quand on va combiner cet entraînement cérébral avec les futures technologies de réalité augmentée. Jusqu'où pourrons-nous repousser les limites de ce que l'on appelle voir ? Ça laisse vraiment songeur. Alors là, on parle de nouvelles technologies et moi, j'aime bien parler à venir en troisième partie de mes émissions quand je peux. Et c'est vrai que le présent déjà aujourd'hui est vraiment l'embryon de ce que va donner cet avenir. Vous, en tant que Carebas Vision, vous accueillez aussi des gens qui ont obtenu des implants particuliers, des implants expérimentaux. Je pense à l'Argus 2, en 2015, à Strasbourg. Un implant Argus 2 a été mis sur un patient. Je pense à l'implant Prima. Donc, vous recevez des patients. Alors c'est vrai que le Carebas Vision est ciblé comme dans les protocoles de recherche sur notamment la DMLA, et Angeline en parlait mieux que moi. Le Carebas Vision est ciblé pour participer à ces protocoles, notamment dans la phase de réadaptation post-implant. D'accord. Tout à fait. Qu'on se comprenne, hein, déjà, Argus 2, c'est l'ancien modèle, si je puis dire, hein, qui n'existe plus. Donc, en tout cas, il y a eu un patient. Mais aujourd'hui, c'est Prima. On a eu plusieurs patients avec Argus. Oui, on en avait parlé. Ouais. Ça fonctionnait bien, la rééducation ? C'est pas la même. Alors, non, c'était pas la même. Et c'est comme toute réadaptation, ça demande du travail, ça prend beaucoup de temps. C'était pas le même public non plus, l'Argus 2, par rapport aux implants de maintenant. Les premiers implants ont été implantés chez des personnes qui n'avaient plus de potentiel visuel. Donc c'était pour eux les premières restimulations visuelles qu'ils avaient depuis des années. Donc c'était différent, moins précis en tout cas que ce qu'on fait actuellement. Alors ces implants Argus 2 ou maintenant implants Prima fonctionnent toujours par l'intermédiaire de lunettes qui sont couplées avec un ordinateur de poche en quelque sorte. C'est et ça. En tout cas pour Prima, qui utilise les infrarouges qui renvoient sur la rétine et sur des... Directement sur l'implant. Directement sur l'implant. L'implant qui a en quelque sorte, qui recrée de façon artificielle des photorécepteurs. C'est ça, c'est des électrodes. C'est ça, des électrodes. Alors il faut être très très très prudent, ça franchement, vous n'allez pas me contredire sur le sujet. Ouais. Un œil, c'est 126 millions de photorécepteurs, dont 6 millions de cônes. Les cônes, c'est ce qui permet de voir central, qui donne les détails, les couleurs, et surtout beaucoup de détails. Et l'implant Prima concerne surtout cet aspect macula, oui. Donc la DMLA, puisque la DMLA, c'est la dégénérescence de la macula. Il est placé dans la zone atrophique. C'est ça. Alors, au fond de l'œil. Parlez-moi-en un peu de cette rééducation de ces personnes âgés, puisque... Donc il faut savoir qu'on ne retrouve pas une vision naturelle. Hein, vous parliez juste à l'instant de couleurs, oui. Qui fait partie du rôle des cônes. Par exemple, les couleurs ne sont pas restituées. Il n'y a pas de couleurs, oui, dans ces... Oui, dans c'est... Vous imaginez que ce sont des électrodes, donc qui vont capter les différences de contraste. Et ça va être généré sous forme de lumière, finalement. Ça va être une vision... qu'il va falloir se réapproprier. C'est un peu comme les sourds à qui on implante des implants cochléaires, ils vont pas réentendre les mêmes sons qu'avant. C'est ça. Donc, il faut réapprendre à quoi correspond telle et telle stimulation. Donc, déjà, on a dit que l'implant, il est placé donc, au milieu du fond d'œil et il faut qu'il soit en face de la lunette pour recevoir les informations. Donc, il faut apprendre non plus à bouger l'œil, mais à garder l'œil fixe. Oui. Et c'est la tête qui va faire le travail de recherche, puisque la caméra est portée sur les lunettes. Donc, c'est bien la caméra qui va capter l'information, qui va passer, l'information va passer dans le processeur et va être renvoyée par la lunette sur l'implant. D'accord. Donc il y a tout un travail de port de tête, d'alignement du regard qui est important et qui prend beaucoup de temps. Alors pour le moment aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électrodes, bon là il y en a beaucoup plus qu'à un moment de l'Argus 2, il y en a plus que 400, il y en a 400 maintenant, on va peut-être pas tarder à avoir les 1000. C'est un peu comme les disques durs, hein, 256 gigas, après 512, après 1 giga, enfin, ça va augmenter de manière exponentielle. Mais avant qu'on arrive aux 6 millions de cônes qu'on a dans l'œil, on en est encore très très loin. Oui. C'est une étape de la recherche. Ouais. Hein. Absolument. Avec les patients, la patiente actuelle, tu vois une évolution, mais on n'en est pas... Effectivement, on est à une étape de la recherche. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la rééducation, c'est une bonne... Alors, j'ai lu que Prima allait ouvrir, ils terminent la phase 2, hein, je crois, des essais cliniques de Prima, et ils vont ouvrir la phase 3, c'est ça ? Oui, c'est ça. En 2026, ils ont fait un appel au peuple, si je peux dire, hein, pour avoir des personnes qui seraient implantées. Il faut dire aussi que nos patients, aussi entre Nancy et Paris, donc c'est aussi un investissement personnel. Au départ, ils ont peut-être l'hôpital 15-20 hein, sur place qui fait le boulot. Enfin, c'est l'hôpital Saint-Louis, peut-être. C'est Rothschild. Rothschild, oui. D'accord, donc, ok. Voilà, donc, ils sont pris en charge au départ par Rothschild. Et une fois qu'ils sont prêts, et si c'est des personnes qui sont dans notre secteur d'intervention, on peut être amené à faire la rééducation. Alors, l'implant est fait à Strasbourg ou à Paris ? Paris. Strasbourg ne fait pas d'implant encore, c'est ça ? Ils n'en font pas encore ou ils vont en faire ? En tout cas, enfin, à notre connaissance, non, pas ceci. En France, c'est Rothschild, parce que c'est une étude européenne. D'accord. Il y a d'autres pays, en France, c'est Rothschild. Alors, on parlait, c'est pas nombreux les patients que vous allez recevoir. Je pense que vous allez recevoir 2-3 patients. Il y a une dizaine de patients, je crois, pour la phase 2, non ? Pour l'instant, on a eu 2 patients. Vous avez déjà eu deux patients? Oui. Et depuis combien de temps? Parce que le premier implant, c'est 2020, je crois. Donc, c'est les patients qui ont été... C'est les premiers implantés. Les premiers implantés. Déjà, c'est des prouesses chirurgicales, déjà, ce qu'il faut dire. Déjà, ouais. C'est qu'il n'y a pas de rejet, donc ça, c'est déjà énorme. Alors, c'est les personnes qui ont un recul, maintenant. Oui. Et vous, qui les avez accueillis par rapport à aujourd'hui, comment vous avez vu l'évolution et qu'est-ce qu'ils voient? Alors, on s'entraîne, souvent, ce qui est déficitaire dans la DMLA, c'est la lecture. Donc, c'est, on va dire, notre principal travail, c'est l'entraînement sur des mots, des phrases. Donc, c'est du millimétrage hein, au niveau de la posture, de l'œil, de la tête, pour arriver à bien suivre le déroulé des lettres. Et au fur et à mesure, on diminue la taille des lettres. Et le processeur permet d'effectuer des zooms. Mmh. Donc, ça permet de faire un petit peu ce que ferait un agrandisseur ou une loupe électronique, mais directement dans l'œil, on va directement avoir le zoom. C'est extraordinaire quand même, hein, ce qu'ils font d'ores et déjà aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Et alors, on arrive à lire, mais on ne reconnaît pas la personne qui est devant soi encore. On n'en est pas là. Il y a eu des essais... mais de ce que moi j'ai pu constater pour l'instant, j'en ai pas vu la possibilité. Mais c'est possible que chez d'autres patients, il y ait eu des essais. Bien. Je pense que chaque patient aussi a des résultats différents. Il faut savoir que dans le fait qu'on soit dans une étude, on n'a pas aussi accès à toutes les données de tous les patients. Hein, c'est vraiment protocolaire. Alors, il y a d'autres techniques, hein, on ne va pas toutes les aborder, mais bon, moi je pensais à l'optogénétique, l'implant d'enzymes qui viennent d'une algue qui réagit avec la lumière. Bon, ça je pense que vous n'avez pas encore de passion en rééducation sur le sujet. Non. Mais vous m'avez parlé à la pause, ça m'a vraiment intrigué, du télescope qu'on implante dans l'œil. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que vous me parlez de ça? Parce que là, par contre, vous avez peut-être des patients qui ont ça? Oui, on a eu un patient qui a été implanté avec un système télescopique. Donc, c'est un implant qui vient se mettre, alors non plus là au fond d'œil, mais en avant de l'œil, à la place de la lentille naturelle de l'œil qui s'appelle le cristallin. Donc, c'est la même lentille qu'on enlève quand on opère la cataracte. Dans une opération de cataracte classique, on remet une lentille artificielle, un implant. Et là, à cette place, a été inséré un système télescopique. Donc ça permet d'effectuer un zoom, mais cette fois-ci optique, hein, puisque sur les implants rétiniens dont on parlait juste avant, on est sur un zoom numérique, avec une image captée par une caméra. Et là, cette fois-ci, c'est un système de Galilée. Alors, je ne comprends pas bien, parce que le zoom numérique, j'ai compris, on appuie sur le bouton, et puis voilà, ça augmente, ça agrandit l'image. Mais pour un implant dans l'œil, comment on fait? En fait, c'est un système avec plusieurs lentilles. Les systèmes de Galilée, on peut les utiliser aussi en externe, hein, comme une loupe en fait, et ça permet d'effectuer un zoom, mais un grossissement plus exactement, un grossissement de l'image. C'est le cerveau qui fait fonctionner le zoom ou c'est la main? Non, c'est le système optique. C'est comme si vous aviez une jumelle. D'accord. Directement dans l'œil. Mais à quoi ça sert? Parce que quand on voit, vous voyez normalement, à quoi vous servirait un zoom si ce n'est de voir plus gros, enfin plus loin, plus... Mais l'implant a été mis chez des personnes qui n'avaient plus l'accès naturel à la lecture. D'accord. Donc ça sert à retrouver un grossissement qui permette de pouvoir réaccéder à une lecture éventuellement. Alors parfois quand même avec besoin de gros caractères, mais en tout cas de faciliter ça. Je ferai des recherches hein, sur ce sujet, j'essaierai de créer des clips. Puis aussi, justement, on disait les visages. Mmh. Le système optique permet... c'est le but de ce système. D'accord, donc c'est pas le grossissement, on voit un arbre au fond, on l'agrandit 10 fois pour voir la couleur de, je sais pas moi, la couleur des feuilles ou une personne qui est à 200 mètres pour la regarder de plus près, c'est pas ça? Non, c'est pas à 200 mètres, mais en tout cas plus dans la sphère du quotidien. D'accord. Et les caractères sont trop petits, on peut les grossir, le visage d'une personne. Le visage est un peu, on voit pas tous les détails, on grossit pour les voir un peu mieux. C'est ça. Ouais, d'accord. Et franchement, je suis... Bon, j'aurais pas fini de poser des questions, mais pourtant on arrive au bout de l'émission. J'essaierai de refaire une émission sur ces sujets. Moi, j'ai plein de sujets dans ma tête maintenant, donc il y a d'autres émissions qui viendront dans les prochains temps. Elodie, je vous recontacterai évidemment sur tout ça. Avec plaisir. Angeline aussi. Merci. Il est temps de conclure. Je vais vous laisser conclure l'une et l'autre pour me dire qu'est-ce que vous avez tiré de cette émission. Voilà, en deux mots. Bah, le plaisir de partager, éventuellement de pouvoir toucher des personnes qui seraient peut-être dans l'hésitation encore pour se lancer. Qui n'hésite pas à venir vous voir. Exactement, oui. Parler du Clairbase Vision, qui est quand même un petit service voilà, qui mérite d'être un petit peu mis en lumière. Donc pour ça, nous vous remercions. Merci encore pour avoir participé à cette émission, Elodie, Angeline. Je vous remercie, franchement, c'était très sympa. Je vous dis sans doute à une prochaine fois. Au revoir.